Elle a me dit là, de la mangina, de l'ugibre, sta comme il abre mon pitre et sabre sous tous les cadets. Mi brègue liura, goutte de vida. Que dégueulé gouste, si eu, eu, l'odie la faula. Et la faute qui brûle, et la fin s'enfile, l'enfant s'enfile per les dilettants. Si eu l'outelas qui passe l'air. Un thé même vent des gains, il va des traces, les vents qui l'ouvrent d'hiver s'y lèvent, s'y lèvent ma parole lourde. Missio nega, dis une dourgue sec, senti des gouttes. Une angimi tout qui est l'un, je la fous que mon bouffe, sa mousse escouta. Ma langue s'engane des routes. Si ou la fruit, je pouille de la lutte perdue de d'aquest époque, l'ouvre des loups et la lune, elle que l'eau pousse et juste, si ou la juste luce escouta. Capiti plus des dormis, et piti plus, et piète plus, capici plus des mourir, des cours et font rire, capiti plus d'espace à la main qui mon coeur si tant que tant. Lupus de la reine, lupus tu la de la poste, où est la pousse, poudre à la bouca. Langue morte, esprit brut, l'être mute, les ça brûle à lui, sa luca. La gide et tout sous d'immune, quoi sous, si ou ça d'où même va, ou mal, esmant rompu, mais esmant au gay. Tu sens ce qui va, ou à qui monde, et c'est un coulou. Perdi l'espère, caille, père, que nous saille, espère, est-ce qu'on est, et l'espère, tu la cible, l'aspré, la presse. Quitte le monde endormi et quitte tout à miette, je lus capri si tu démonises, quitte à des souris, les capites, il pue, dépasse à la main et mon coeur, c'est ça que t'as. Au pivet ou de la nuit, la sète ivresse, par les eaux recrémades et la rose d'estieu que va tomber. Ma fèbre partira des vers l'adré d'une langue, qu'est-ce acquis, kumako, que s'il faut, anana. Dans mon débrut, sous les toi et mes amis, peindront des flots pas idants. Père, les maîtres et sur ma tombe, un te va ou des mourants, tout saoulé. See.